m'en veux pas d'avoir quitté l'école trop tôt, d'avoir perdu confiance à cause de mes cicatrices dans le dos. Je m'en veux pas, mon premier joint, ma première co. Pour prendre l'ampleur sur mon égo, je me construis comme des Legos. Je suis à 35ème avenue opérationnelle sur la tenue. Le rap est mou au kick jusqu'à 3h dans les vieux stus. Un grand besoin de prendre l'air, de tirer sur mon zder, de me fondre dans le beat pour esquiver la demeure. On veut retourner dans le passé, le futur nous a échappé, mais ça nous empêchera pas d'avancer. Je t'en veux pas si tu m'écoutes, mais que tu comptes barrer la route. Goûte à la prod verbale, on a acquis les codes. On s'en veut de tout de rien, mais qu'est-ce que tu veux? La haine dans le biberon depuis petit peu, on s'en veut pas. Génération qui pète, les plombs qui coupent les ponts pour esquiver le fond, on s'en veut pas. Je vide ma peine sur papier, mais dans la vie y'a des choix difficiles à effacer. Comme l'angle que j'utilise un délibile, sans les sentiments qu'on a, pourtant on a des comportements débiles. Et si je débite ma rage, c'est que j'en ai trop bavé. À bout de bras, à bout de mes nerfs, sentimentalement abîmé. J'en ai ma claque de tout, rien ne va plus. Dans ma tête y'a comme un gros trou de boulette, quasi sûr je serai foncé sur l'instru. Ma bière et mon joint en guise d'inspi, j'aiguise ma rime. Homicide lyrical, je baise ma reine et elle casse sa fille. Et je m'en bats les couilles si tu me trouves vulgaire. La haine dans le sang depuis que j'ai arrêté de suivre le système scolaire. On s'énerve point à un, désolé, c'est dans notre habitude. C'est dans notre habitude, notre habitude. Y'a pas de mytho au micro. 2h00 pour gratter un tel tel zébo. Draconique le game, y'a toutes ces tapes. Délicat, c'est leur mère la chaîne. On s'en veut de tout de rien, mais qu'est-ce que tu veux? La haine dans le biberon. On s'en veut pas. Génération qui pète, les plombs qui quittent les ponts pour esquiver le fond. On s'en veut pas. On s'en veut de tout de rien, mais qu'est-ce que tu veux? La haine dans le biberon depuis.